te croire que mon style vestimentaire fait honte. Ferme les yeux, observe comment le match le dompte. Une rage conçue de haine et d'une envie de vaincre. Une rage qui se doit d'être conquis avant de s'éteindre. À force d'attendre à un vrai festin, au lieu de vomir ces démons qui sortent de mes intestins. À force d'y croire, j'ai les canines qui descendent jusqu'aux genoux. Je croque dans la vie, mais pour l'instant, un instant joue. À force de croire qu'elle trêve se cache au prochain tournant. À force, on va réussir à s'y loger dans tes tympans. À force d'y croire et de voir les gens qui me supportent. L'ignorance et l'insulte qui me correspondent le plus, c'est que j'apporte. Le mensonge m'a jamais correspondu. Je me différencie de ceux qui ont l'esprit tordu. À force d'y croire, mes idées se baladent. Le rap face au gétan, c'est une bonne parade. À force de croire, ça me donne cette force d'y croire. À force de persévérer, chanter le gros si c'est une ère d'espoir. Mon optique a jamais été baisser les pas, mais finir jusqu'au bout quand j'entends mes combats. À force de croire, ça me donne cette force d'y croire. À force de persévérer, chanter le gros si c'est une ère d'espoir. Mon optique a jamais été baisser les pas, mais finir jusqu'au bout quand j'entends mes combats. Je sens que mes lèvres se tirent. Je sens que de belles brigandes train de décorer mon empire. Je sens aussi une nouvelle odeur s'installer dans mes narines. Une chose encore plus excitante que la cocaïne. Dans ma démarche, je lâche toujours derrière moi une vague d'air de parfum. Bien sûr, pas la même marque que les autres pour qu'on me distingue. À force de contracter mes muscles, à chaque coup, ouais, si ça paye, je ramène les miens. C'est la moindre des politesses. À fortuité, suivant dans les bras de la maladresse. Trouver cette puissance pour que le torche le dresse. Marre d'avoir ce sentiment que la poisse me dresse. La chance, aide-moi car c'est à toi que je m'adresse. À force d'y croire, c'est peut-être qu'une illumination. Des effets spéciaux qui me jouent des tours sans interruption. À force d'y croire, le sommeil en devient une torture. Tant que j'ai pas d'amour devant, j'aurai toujours peur de l'obscur. À force de croire, ça me donne cette force d'y croire. À force de persévérer, chanter le gros si c'est une ère d'espoir. Mon optique a jamais été de baisser les pas, mais finir jusqu'au bout quand j'entends mes combats. À force de croire, ça me donne cette force d'y croire. À force de persévérer, chanter le gros si c'est une ère d'espoir. Mon optique a jamais été de baisser les pas, mais finir jusqu'au bout quand j'entends mes combats. Faut croire en cette lumière, frangin. Croire en notre force mentale. Croire en nous. Sache un truc, c'est que ça paye à force d'y croire. À force de croire, ça me donne cette force d'y croire. À force de persévérer, chanter le gros si c'est une ère d'espoir. Mon optique a jamais été de baisser les pas, mais finir jusqu'au bout quand j'entends mes combats. À force de croire, ça me donne cette force d'y croire. À force de persévérer, chanter le gros si c'est une ère d'espoir. Mon optique a jamais été de baisser les pas, mais finir jusqu'au bout quand j'entends mes combats. Ça me donne cette force d'y croire. À force de persévérer, chanter le gros si c'est une ère d'espoir. Mon optique a jamais été de baisser les pas, de finir jusqu'au bout quand j'entends mes combats. À force de croire, ça me donne cette force d'y croire. À force de persévérer, chanter le gros si c'est une ère d'espoir. Mon optique a jamais été de baisser les pas, de finir jusqu'au bout quand j'entends mes combats.